À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune nord-sud du 15 juin, Atanas Ioanov, président d'honneur de l'Union des communistes bulgares, a publié le 9 courant un entretien pour exalter les exploits mortels du général Kim Jong-il accomplis pour la réunification de la patrie.